qui je n'ai pas encore salué. Je veux juste apporter une clarification par rapport à la semaine passée. Dans mon zèle de vous encourager à ne pas manquer les réunions d'affaires, il y en a peut-être qui ont pu se sentir accusés. Ce n'était pas ma volonté. Ça, c'est le rôle de l'adversaire. Et je ne veux pas, surtout pas jouer ce rôle-là. Fait que s'il y en a qui ont été froissés dans mes exhortations, veuillez me pardonner. Ce n'était pas du tout mon intention de vous accuser. C'est comme ça, des fois, je suis très zélé pour certaines choses et mon langage est un petit peu direct. Fait que ceux qui me connaissent n'ont pas été froissés, mais d'autres qui peuvent avoir eu des difficultés avec ça. Fait que, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Mon intention n'était pas de vous accuser ni vous mettre au pilori. Là. Ça, c'est l'adversaire qui fait ça, puis le Seigneur Jésus nous délivre de ces accusations-là. Ça va? Vous me pardonnez? Oui. Michel, tu me pardonnes? C'est toi que j'ai visé particulièrement. On continue dans le livre des Nombres. Et j'ai donné le titre « Ils partirent ». Vous allez voir un petit peu pourquoi, parce qu'il y a plusieurs départs qui sont mentionnés. C'est dans Nombre 10, on fait la suite du chapitre 10. On a vu la semaine passée que Dieu avait organisé le camp. On va lire le texte, Nombre 10, 11 à 28, en premier. Je n'ai pas écrit le texte à l'écran, donc vous allez devoir regarder dans vos Bibles. Tel fut l'ordre d'après lequel les enfants d'Israël se mirent en marche selon leur corps d'armée, et c'est ainsi qu'ils partirent. Moïse dit à Hobab, fils de Réuel, le Madianite, beau-père de Moïse, « Nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, « Je vous le donnerai. Viens avec nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. » Hobab lui répondit, « Je n'irai point, mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie. » Et Moïse dit, « Ne nous quitte pas, je te prie, puisque tu connais les lieux où nous campons dans le désert, tu nous serviras de guide. Si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. » On n'a pas la réponse. Ils partirent de la montagne de l'Éternel, qui était Horeb ou Sinaï. Ils marchèrent 3 jours. L'arche de l'Alliance de l'Éternel partit devant eux. Il fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. La nuit de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour lorsqu'ils partaient du camp. Quand l'arche partait, Moïse disait, « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés. Que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. » Et quand on la posait, vous voyez que l'arche a été portée par les Kéatites. Il disait, « Reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël. » Si on regarde un peu le contexte qui a précédé, vous vous rappelez de ce dessin-là, c'est la manière dont les tribus se sont organisées, se sont organisées derrière la nuée et derrière l'arche, pour se mettre en marche, une marche de 3 jours que nous dit le texte. Il est possible qu'il ait marché jour et nuit. Vous savez que les lunchs étaient tous préparés d'avance. Ils avaient qu'à ramasser la manne le matin. Ils avaient du lunch pour toute la journée. Donc, les madames au fourneau, ça n'avait pas sa place. Vous êtes d'accord, mesdames? C'est ça l'avantage de la manne, hein? C'est que, vous voyez l'ordonnancement, ça c'est les tribus, telles que Dieu avait ordonné à Moïse de dire au peuple. Et ils sont définis par corps d'armée, mais vous savez que chacune des tribus, ce n'est pas juste des soldats, c'est aussi des femmes, des enfants, des vieillards, qui vont se mettre en marche dans une direction qui est donnée par la nuée. Et évidemment, la direction, on la connaît, c'est la conquête de la terre promise. On va voir ça dans les autres chapitres qui viennent après. Vous êtes d'accord? Je voudrais juste rappeler un petit peu le dessin que vous avez présenté. Et ici, on voit le ramassis de gens qui pouvaient suivre. On les a mis à la queue. Est-ce qu'ils étaient effectivement à la queue ou parmi le peuple? Ça, c'est pas clair dans le texte des Écritures. Mais on voit ça dans le chapitre suivant. Fait que c'est un petit peu en avance sur le texte de Nombre qu'on a lu. Pourquoi ce texte a de l'importance pour nous? On est au 21e siècle, hein? Je ne me suis pas trompé dans le compte. Pourquoi il y a ce livre, ce texte-là qu'on vient de lire ce matin a de l'importance pour nous? Bien, parce que la Bible nous dit que ça a de l'importance. On va essayer de voir pourquoi c'est important. Alors, ces choses sont arrivées, hein, c'est 1 Corinthiens 10, 6, pour nous servir d'exemple, au pluriel, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Les mauvais désirs vont paraître dans les prochains chapitres, particulièrement dans les prochains chapitres. Ils ont paru déjà depuis la sortie d'Égypte, avant d'arriver au Sinaï, et même au Sinaï même, là, quand ils se sont fait un veau. Mais dans la suite, ça va être fréquent qu'Israël va manifester des mauvais désirs, de la convoitise. L'autre passage qui est dans le même chapitre de 1 Corinthiens, qui répète la même chose, ça veut dire que quand Dieu répète quelque chose, c'est pour nous, qu'on saisisse vraiment que c'est pour nous servir d'exemple. Ces choses-là sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites, c'est intéressant, pour notre instruction à nous qui sommes au 21e siècle. C'est le temps qui est important ici. La fin des temps, la fin des siècles. Est-ce que ça va arriver dans le 21e siècle? Moi, j'attends le Seigneur de mon vivant. Fait que ça risque d'être dans le 21e siècle, si Dieu répond à ma prière. Mais si je meurs avant, ben, ça sera pour nos enfants, pour les plus jeunes, comme Joachim et les autres là, qui sont plus jeunes que moi. Ça va? Donc, on est parvenu à la fin des siècles et ça nous sert d'exemple. Maintenant, c'est pas évident, hein? Comment ça peut nous servir d'exemple? Pèlerinage. Moi, j'ai identifié ce que les Israélites vont faire à partir de la montagne de Sinaï. Vous savez qu'ils quittent le Sinaï. Ils ont été 9 mois. Confortables, ils ont défini toutes leurs sources d'approvisionnement, l'eau, la tranquillité, la tente était montée pour chacune des familles. On était bien, on avait défini nos spots. Puis là, il faut partir. Il faut quitter ce confort-là pour quelque chose qui semble terrible au départ. Il faut aller conquérir une nation avec des, on va le voir plus tard, des gens qui sont assez effrayants. Donc, définition d'un pèlerinage. Ils vont faire un pèlerinage. Qu'est-ce que c'est un pèlerinage? On a de la misère avec ça, nous autres, les croyants, parce que pèlerinage, ça fait catholique. Hein? Selon le Larousse, le voyage d'un ou plusieurs fidèles d'une religion vers un lieu consacré. On n'est pas là-dedans, nous autres. Je sens que j'entends la voix de Frédéric qui me dirait ça. Ça a à faire avec nous autres, ça. Pourtant, on est dans un pèlerinage vers le ciel. Pèlerinage pareil. Et d'ailleurs, il y a un passage qu'on va regarder tout à l'heure qui nous le dit. Selon l'intelligence artificielle, ça fait moderne, hein, j'ai mis ça dans mon... pour aller chercher les jeunes d'aujourd'hui, là, la génération, je ne sais plus comment, X, Y, Z. Voyage vers un lieu sacré comme Jérusalem, la Mecque ou Rome, dans un esprit de dévotion. Oui, on a un esprit de dévotion, hein? Vous êtes d'accord? On adore Dieu, puis on veut honorer Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on fait un pèlerinage vers le ciel. Qu'est-ce que nous dit l'enseignement du Nouveau Testament à ce sujet-là? Je vous ai dit qu'il y a un verset au moins dans les Écritures, et c'est l'apôtre Pierre, celui avec lequel Jésus a décidé d'établir, de commencer l'Église. Pas le premier pape, je vous rassure, c'est pas ma doctrine. n'est pas la doctrine des Écritures non plus, mais c'est quelqu'un d'important qui a joué un rôle extrêmement important. Il nous dit, quelque part dans les au moins 25 ans après le commencement de l'Église, « Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » Il écrit à qui? Le Saint-Esprit, ici, à travers l'apôtre Pierre, il écrit à qui? Il faut le dire. À nous! Aux croyants! Hey! Il faut encourager des réponses comme celle-là. Vous êtes d'accord? Qui écrit aux croyants. Donc, on est en pèlerinage. On est en voyage. Moi, je ne suis pas retourné à ce point-là dans mes questions. Je suis un peu plus... Tu as raison de craindre, là, mais je ne dis pas. OK, donc on est en pèlerinage. On est en transition vers quelque chose et on regarde à la finalité pour y aller. Fait comme Israël devait regarder à la conquête, que la terre promise, le pays où coule le lait et le miel, où il allait être en sécurité pendant la durée de leur vie. Jean 14, 31, un autre départ, parce que le thème ici, c'est partir. « Afin que le monde sache que j'aime le Père, c'est Jésus, là, et dans la chambre haute, confort, ils ont célébré la dernière Pâque ensemble. Et Jésus a instauré le mémorial, qu'on appelle la scène, le repas du Seigneur. Il est en intimité avec les disciples, dans un lieu sécur. Et qu'est-ce qu'il fait? Afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous et restons ici. Et partons d'ici. » Et le partir ici, là, il y a un moment donné dans la vie, il faut le faire. Et Jésus est évidemment conscient de la volonté de Dieu, il sait très bien ce qu'il fait, mais il sait qu'en partant de là, il s'en va vers là. Des gros problèmes pendant une journée, une nuit et une journée. On va le juger, on va le maltraiter, on va le persécuter, on va le crucifier, on va rire de lui, on va se moquer de lui. Il va mourir pour ressusciter 3 jours après, là. Ça va? Donc, partons, ça fait partie de la vie d'un croyant. Ça faisait partie de la vie de Jésus, et comme il nous sert d'exemple dans plein de choses, ça vaut la peine de considérer qu'il faut partir, nous autres aussi. Acte 13, 1 à 3. Un autre célèbre partir. Il y avait dans l'église d'Antioche des anciens, des pasteurs, des docteurs. Puis là, il nomme les personnes, dont l'apôtre Paul, qui s'appelle Saul à l'époque. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, on ne sait pas comment le Saint-Esprit parlait à ce groupe de personnes-là, le groupe de croyants. Mais il leur a dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, très bon réflexe, hein? Parce qu'on n'est pas sûr, c'est-tu vraiment le Saint-Esprit qui nous a dit ça? Parce qu'ils faisaient un travail admirable. Ils ont été pendant un an, Saul et Barnabas, à enseigner l'Église d'Antioche. Donc, le dimanche midi, ils allaient manger quelque part chez des frères, des sœurs, ils continuaient l'enseignement, peu importe. Ils faisaient un travail admirable, ils avaient leurs références. Donc, alors, après avoir jeûné et prié, tous ensemble, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent rester là. Il a fallu qu'ils partent. Et là, ils embarquaient dans l'aventure. Bon, peut-être qu'il y a une poignée d'argent sur eux. Payer le bateau, premier bateau peut-être. Voyez-vous, la dimension de partir, de quitter quelque chose pour faire la volonté de Dieu, c'est absolument important. Ça va dans notre thème ce matin. Donc, dans ce texte de Nombre qu'on vient de lire, qu'on a lu tout à l'heure au début, il y a 4 départs qui rappellent à tous les croyants d'aujourd'hui de persévérer sur la route vers la terre promise du retour de Jésus-Christ. Retour de Jésus-Christ, la Nouvelle Jérusalem, là, pour nous autres, à partir du moment où on est avec le Seigneur, que le Seigneur est venu nous chercher, on est à la bonne place, vous êtes d'accord? on est dans le pays de la promesse. Fait que ce soit la Nouvelle Jérusalem ou que ce soit le retour de Christ, le premier qui va précéder, c'est sûrement le retour de Christ. On est d'accord? Tout le monde est d'accord aussi, là, les croyants, ceux qui connaissent les Écritures? Donc, il y a quatre départs dans notre texte qui rappellent à tous les croyants d'aujourd'hui de persévérer, donc d'encourager à la persévérance. Parce qu'on n'est pas dans un monde qui nous encourage à ça. Sur la route vers la terre promise. Tous et chacun ici, on a nos maisons, on a bricolé, rafistolé notre maison. Moi, depuis que je reste là, je n'ai pas cessé de l'améliorer, de la rendre à mon goût. Je suis bien là. Si on me demandait de partir, là. Ouf! Puis là, j'ai vieilli, hein, j'ai plus la jeunesse que j'avais, la fougue que j'avais il y a 20 ans même. Donc, mais je suis quand même appelé à persévérer. Il n'y a pas juste ça qui peut nous empêcher de partir. Toutes les troubles qu'il y a dans le monde, les guerres partout. Y a-t-il un coin en Afrique que ça ne fait pas de la guerre? Ah! On m'a dit que le Nord n'était pas si calme que ça. Es-tu d'accord, Landry, de la Côte d'Ivoire? Hein? Il y a des troubles aussi hein, dans le Nord. Ouais. Même le Cameroun. Mais sans compter toutes ces affaires-là, puis le monde, c'est fourraine. Ceux qui ont connu ma jeunesse puis qui voient ce qui est advenu aujourd'hui, insécurisant au bout. Le premier départ qui rappelle à tous les croyants d'aujourd'hui, on parle aux croyants d'aujourd'hui à travers ce qui est passé dans Nombre, comme exemple, est indiqué dans les versets 11 et 34. On va les regarder, là. 11, c'était précédemment dans notre texte. Le 20e jour du second mois de la seconde année, la nuée s'éleva au-dessus du tabernacle. Ça, c'est le verset 11. 33. Ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent 3 jours. L'arche de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. Vous savez que l'arche ne marchait pas tout seul. Il y avait du monde qui apportait. Ça va jusque-là? Donc, le premier départ qui nous est indiqué dans le passage, c'est le départ de l'arche. Qu'est-ce que ça symbolise pour nous? C'est le départ de la... Oh, excusez, c'est le départ de la nuée. C'est moi qui s'est trompé, là. Ça va venir plus tard, l'arche, OK? C'est au verset 34, j'aurais dû lire. Ouais, c'est le verset, j'ai lu le verset 33. Excusez-moi. Verset 34, « La nuit de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour lorsqu'ils partaient du camp. » C'est la nuit, c'est le départ de la nuit qui est en premier. À quoi ça correspond pour nous aujourd'hui? On va lire Deutéronome, là je ne l'ai pas ici dans la vidéo, là, dans le PowerPoint. Deutéronome 1, 32 et 33. C'est Moïse, vers la fin du pèlerinage de 40 ans dans le désert, qui revient sur ce que Dieu a fait. Et au verset 32, il dit, « Malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu. » Évidemment, il rappelle les fautes du peuple par rapport à leur marche, justement. « Vous n'eûtes pas confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement. La nuit, dans un feu, afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher, et le jour dans une nuée. » Comment se manifestait cette nuée-là? Est-ce que c'était une colonne, comme la figure que je vous ai montrée précédemment, là, une grosse colonne, qui est vue de l'ensemble du camp? Le camp est quand même assez long, hein, beaucoup de personnes. Ou autrement, on ne le sait pas. Il n'y a pas de dessin qui nous est parvenu jusqu'à date. Mais il est clair que c'est la nuée qui montrait le chemin. Tout le monde est d'accord? Je n'ai pas dit d'annerie? C'est vous autres, là. Testez ma théologie, là. Allez-y. Donc, à quoi correspond cette nuée-là aujourd'hui? Exode 13, 21, vous l'avez à l'écran. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Hein, vous voyez que la marche était jour et nuit. Quand ils font 3 jours de marche au départ, c'est jour et nuit. Hommes, femmes, enfants, soldats. Probablement qu'il fallait tirer un peu sur les enfants là, parce qu'ils devenaient fatigués. Ou on les portait. Peu importe. L'autre passage qui est, évidemment, ça s'est passé avant le Sinaï ou à l'arrivée du Sinaï. D'accord? En Exode 40, 38, la nuit de l'Éternel était le jour sur le tabernacle et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Répétition encore là du principe de la nuée qui conduit. Vous êtes d'accord? Je pense que tu peux faire une application plus précise encore. On va le voir. On va le voir. À quoi correspond cette nuée pour l'Église? Hein? Nous autres, on est dans l'Église. On va lire Actes 1, 8 et Galates 5, 16. Au début du livre des Actes. Tout le monde a trouvé? T'es là, Mance, ça va? Mais vous, Jésus, là, il est sur le bord de partir, il va être enlevé au ciel. OK? C'est le jour de l'ascension. 10 jours avant la Pentecôte. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Qui va équiper les apôtres en premier pour que l'Église envahisse le monde entier? Saint-Esprit. Galates 5, 16 va un peu dans la même direction. Remarquez ici le terme de marche. On lit souvent ce passage-là comme un passage personnel qui nous est adressé à nous personnellement. Ce n'est pas faux. Mais remarquez que le pluriel est utilisé. Ce n'est pas dit « j'exhorte chaque croyant à marcher selon l'Esprit ». C'est une lettre adressée à l'Église de Galatie. Et il est dit ici « je vous dis donc, marchez selon l'Esprit ». Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair en a des désirs contraires. On lit tout le temps ce verset-là comme une application personnelle, mais mettez-vous en ton nom dans la peau de « on fait partie d'un peuple ». Et ce peuple-là, ou une église en particulier, l'église de Mont-Saint-Hilaire, est exhortée à marcher selon l'Esprit. Donc, si on vit des chicanes entre nous, on ne s'aime pas les uns les autres, on fait tout ce qu'il faut pour avoir des problèmes, est-ce qu'on est en train d'accomplir, de marcher, de se laisser guider par le Saint-Esprit? Les Israélites, c'est ce qu'ils vont faire. Dans la première partie de leur séjour au désert, ils vont marcher selon leur chair. Ils vont chicaner, ils vont refuser l'ordre, ils vont refuser de croire que Moïse parle au nom de Dieu, etc. Peu importe, toutes sortes d'affaires. D'accord, Michel? Ça va? Landry, tu as le droit, hein? De revenir, toi aussi. Donc, le Saint-Esprit, c'est celui qui est la nuée pour l'Église. Ça a commencé le jour de la Pentecôte, sur une promesse que Jésus avait déjà faite aux apôtres avant de mourir. Et le Saint-Esprit est remonté au ciel, puis il nous a laissés tout seuls. Je vois que par votre... ceux qui connaissent les Écritures, ils disent non, ils font comme ça, là. Je vous ai vu, j'ai vu Gilles qui a dit ça. Tu es d'accord? Donc, le Saint-Esprit conduit encore l'Église aujourd'hui, malgré tous les scandales qui peuvent exister à l'intérieur de l'Église dans son sens large. C'est encore le Saint-Esprit qui guide jusqu'au retour de Christ. Dans le Nouveau Testament, des statistiques. Le mot « esprit » est utilisé 328 fois dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas un mot isolé. Il ne désigne pas toujours le Saint-Esprit. Je n'ai pas vérifié le nombre de fois qui fait que le mot « esprit » est utilisé pour désigner le Saint-Esprit. Par contre, le thème... Hein? Non. Non. 79 fois, par contre, il est utilisé avec le qualificatif « Saint-Esprit ». Et là, on ne peut pas se tromper. C'est définitivement le Saint-Esprit. Donc, 38 dans le seul livre des Actes. Ou, qu'est-ce que c'est le livre des Actes? C'est les débuts de l'Église. C'est là que l'Église a commencé sa marche, qu'elle continue son pèlerinage jusqu'au retour de Christ. Donc, est-ce que le Saint-Esprit remplace la nuée pour nous? Bien sûr. Est-ce que le Saint-Esprit finit son travail? Non. Et l'Église est dynamique. Les vrais croyants partout dans le monde sont engagés véritablement dans la conquête du monde pour l'Évangile. Quand je dis ça, là, attendons-nous, je ne pense pas que tout le monde va devenir des croyants. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que l'Évangile va être prêché à toutes les nations, sans exception. Après ça, va venir la fin. Après ça, va venir le Seigneur Jésus. C'est bon? Donc, c'est le premier départ. Il en reste trois autres. On va accélérer un peu. On ne la voit pas, la souris. De toute façon, je n'ai pas grand-chose à montrer ce matin. Deuxième départ qui rappelle à tous les croyants d'aujourd'hui de persévérer dans notre marche vers la terre promise. C'est indiqué dans les versets 28 et 33 de notre texte. On revient dans Nombre. Tel est l'ordre d'après lequel les enfants d'Israël se mirent en marche selon leur corps d'armée, et c'est ainsi qu'ils partirent. Le mot important ici, c'est le mot « ordre ». Et le verset, ça c'était le verset 28, et le verset 33, qui répète un peu la même chose. « Ils partirent de la montagne de l'Éternel, ils marchèrent trois jours, l'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux, ils firent une marche de trois jours pour chercher un lieu de repos. » J'ai-tu mis le bon verset? Oui, c'est ça. Et là, ils marchent selon l'ordre que vous avez vu sur le graphique. Donc, Dieu a organisé leur marche précisément. On est d'accord? Ça, c'est ce qui s'est passé avec Israël, qui est en route vers la terre promise. C'est difficile de trouver une équivalence dans le Nouveau Testament. Dieu est un Dieu d'ordre dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, il est devenu désordre. Il y en a qui disent, non, là, c'est bien, je suis heureux de savoir ça. Dieu ne change pas. D'accord? L'équivalence que j'ai trouvée, je le trouve dans l'Épître aux Éphésiens. L'ordre de marche est indiqué dans la volonté du Seigneur Jésus pour son Église. On va tourner dans Éphésiens. Je ne l'ai pas écrit, je pense. Ah, il est là. Arrivez-vous à lire? Hein, est-ce que vous arrivez à lire? En haut? OK. Éphésiens 4, 10 à 15. C'est l'ordre que Jésus a mis dans l'Église. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme... Regardez l'ordre ici. Ça n'a pas commencé par les pasteurs et docteurs, ça commence par les apôtres. Les autres comme prophètes, des gens qui ont prêché la parole verbalement sans que les Écritures du Nouveau Testament soient là, et qui continuent aujourd'hui à exhorter. Les autres comme évangélistes, est-ce qu'il y a des évangélistes encore dans notre siècle? Qui vont au gré de ce que le Saint-Esprit montre à chacune des églises qui les envoie? Les autres, comme pasteurs, ça c'est la rapace, la race maudite quasiment. Il y en a dans toutes les églises, des pasteurs. Hein? Non, c'est pas une race maudite. C'est la volonté du Seigneur qu'il y a des gens dans les églises qui prennent soin des brebis. C'est leur rôle. Et les docteurs, on en a un au cours de l'école du dimanche, ceux qui sont là, pour ceux et celles qui sont là. Mathieu, c'est un docteur. Bon, il est aussi, je pense qu'il exerce aussi le métier de pastorat, là, mais on voit vraiment que Dieu l'a équipé pour enseigner profondément les Écritures. Vous êtes d'accord? Regardez, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. L'édification de quoi? Du corps de Christ. L'éducation d'Israël était basée sur l'observance de la loi, qui était déjà... Ici, on n'a pas l'ensemble de tous les livres que Moïse a écrits, là, avec nombre, mais quand Deutéronome va être écrit, ils vont avoir les cinq premiers livres, Pentateuque, qui va expliquer à Israël comment se comporter dans toutes circonstances. Donc, pour le perfectionnement des saints, c'est les croyants, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le but de Jésus dans l'Église aujourd'hui, c'est d'édifier le corps de Christ, de construire ce corps-là dans le monde actuel. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Hey, regardez l'ordre que Jésus a mis. Essayez d'imaginer l'Église sans le Nouveau Testament. Je ne sais pas ce que je ferais ici un matin, là. Regardez l'œuvre que Dieu a fait, que Jésus a fait à travers le Saint-Esprit et qu'il continue de faire aujourd'hui. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Est-ce qu'il y en a des doctrines fausses dans le monde? Ça pullule. Il y en a partout. Des faux docteurs, ils nous disent toutes sortes d'affaires avec des fois très belles présentations, beaucoup meilleures que ce que moi je peux faire. Très envoûtantes, mais fausses. Par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef. Est-ce que Jésus a mis de l'ordre dans notre marche? Essayez de vous dire, vous rencontrez quelqu'un qui dit « Je suis croyant en Jésus-Christ », mais qui ne veut rien savoir de ce que Jésus a dit dans la Bible. Il y en a qui doivent faire ça. Ils vont faire fausse route, hein? Donc, on traîne un ramassis de gens dans les églises. Hein? Il y a toutes sortes de gens là, dans les églises qui peuvent être excités par la convoitise facilement. Ils peuvent nous entraîner des fois sur des voies de garage à nous disputer entre nous. Donc, Jésus a mis de l'ordre, comme Dieu l'avait fait, l'Éternel l'avait fait avec Israël. Le troisième départ qu'on a dans notre texte est indiqué dans les versets 29 à 32. C'est intéressant celui-là parce qu'on va revenir à la fin avec. Verset 29. Moïse dit à Obab, fils de Réuel, le Madianite, beau-père de Moïse, « Nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous donnerai Dieu, je vous le donnerai, viens avec nous. » Sous-entendez là-dedans que Moïse, il part lui. C'est cela qu'il s'en va. « Viens avec nous. » Nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Obab lui répondit, « Je n'irai point, j'irai dans mon pays et dans ma patrie. » Et Moïse dit, « Ne nous quitte pas. Je te prie, puisque tu connais les lieux dont nous campons dans le désert et tu nous serviras de guide. Si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. » Puis là, au verset 33, ils partirent. Sous-entendu, c'est sûrement Moïse. On le sait par le reste du texte. Ils partirent de la montagne de l'Éternel et ils marchaient 3 jours, etc. On ne sait pas si Obab a suivi. Les théologiens sont divisés sur la question et donc je ne réglerai pas la question moi-même ce matin. Il semblerait qu'il l'aurait suivi d'après Juges 1:16, que je ne lis pas ce matin, prenez-le en note. Il semblerait qu'Obab aurait finalement suivi, mais ce n'est pas dit dans le texte. On n'a pas l'impression qu'il a dit oui Il a dit tout le contraire, que je me retourne dans ma famille. C'est bon? L'important ici, c'est de voir que Moïse, lui, est parti. Et Moïse, pas n'importe qui. C'est Moïse, là, c'est un type de Jésus-Christ. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, ça Hébreux, l'Épître aux Hébreux, qui est un commentaire du livre des Nombres en particulier, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Moïse, c'est le conducteur. Essayez d'imaginer que Jésus a conduit pendant 3 ans, à peu près le même temps que Moïse a fait avec les Israélites, au début, là. Jésus a conduit des individus qui connaissent absolument rien du plan de l'évangélisation du monde. Il les a conduits par la main pratiquement, avant de partir au ciel. Plus tard, l'Éternel a enlevé Moïse juste avant la conquête de la terre promise sous Josué. On va voir ça, même si c'est, notre livre, ce n'est pas Deutéronome, c'est marqué dans Deutéronome que Moïse n'est pas entré dans la terre promise. C'est intéressant. Jésus, bien qu'il est chef de l'Église, son corps, n'est pas présent physiquement parmi nous actuellement. Il est présent par l'Esprit de Dieu. Il est présent par les écrits qu'il nous a laissés. Mais on est sous la conduite de la nuée. Par contre, si Jésus n'avait pas fait ce qu'il a fait, aucun d'entre nous serait ici. Si Moïse n'avait pas fait ce que Dieu lui a demandé de faire pendant tout le temps qu'il était dans le désert, Israël ne serait pas allé dans la terre promise. Intéressant. Regardez le plan de Dieu, comment il est extraordinaire. Ce qui est passé dans l'Ancien Testament nous sert d'exemple aujourd'hui. On va lire Deutéronome 34, 5 à 9. L'Éternel l'enterra, on va commencer au verset 5. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut, et sa vue n'était point affaiblie, et sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleuraient Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab, et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Josué, fils de Noun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse l'avait posé ses mains sur lui, et les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. On pourrait dire que Pierre est un peu le Josué de l'Église, parce que ça a commencé, Jésus a dit quelque chose de particulier. Sans faire le premier pape, je le dis encore une fois, parce que ce n'est pas notre doctrine, il y a quand même, à travers Pierre, qui a organisé les débuts de l'Église, comme Josué a toujours été là, hein, Israël a existé après Josué. Intéressant. Et Moïse, l'Éternel le prend et l'envoie. Il sort de là. Jésus, évidemment, après sa résurrection, paru pendant 40 jours à ses disciples, et après ça, il est enlevé au ciel. 10 jours après, c'est l'arrivée de la nuée, le Pentecôte. C'est ordinaire, le plan de Dieu. Comment ça peut se répéter? Et si on ne voit pas le côté extraordinaire du plan de Dieu, notre foi, moi je trouve que c'est ça qui stimule notre foi, qui nous apprend à voir à quel point Dieu est grand. Bon, concernant Hobab, je vous ai parlé tout à l'heure, il est probable qu'il n'ait pas suivi. Possible. En tout cas, le texte ne dit pas qu'il a suivi. Et si les théologiens ne se battaient pas là-dessus, peut-être qu'on ne dirait rien. Mais les théologiens ont tendance à certains d'un côté, certains de l'autre, fait qu'on ne tranchera pas pour eux autres. Ce qui est intéressant, par contre, et ça, je vais revenir là-dessus à la fin, Moïse dit, viens avec nous. Et lui dit, non, je vais retourner dans ma famille. Il a refusé de quitter, en premier lieu, il a refusé de quitter. Quand vous parlez de l'Évangile à quelqu'un, qu'est-ce que vous dites? Reste avec tes amis qui sont tous à l'envers, qui se foutent le tonnerre ou qui disent toutes sortes de conneries sur Dieu. L'Évangile implique de quitter quelque chose. Peu importe, des fois c'est des parents qui sont opposés, des fois c'est des amis envahissants, des fois c'est une situation de débauche, des fois c'est toutes sortes d'affaires. Mais le départ pour venir à Christ, il y a un départ. Et Obab est un peu un type de ça. Le troisième départ qui rappelle aux croyants d'aujourd'hui qu'on est en pèlerinage vers le retour de Christ, j'ai oublié de le mentionner, il n'est pas là. Je pensais que Jésus-Christ, après avoir marché avec ses disciples 3 ans, je vous l'ai parlé tout à l'heure, j'ai peut-être devancé ce que je voulais faire, a accompli le salut et après être mort, ressuscité, retourné au ciel, 10 jours avant la Pentecôte, dans l'effusion du Saint-Esprit, la nuée. Le début de la conquête du monde par l'Évangile a d'abord été sous la seule conduite du Saint-Esprit, la nuée, puis de celle de Pierre, des apôtres et de toute son Église jusqu'à ce jour. Encore aujourd'hui, l'Évangile se répand dans toutes les nations et c'est le Saint-Esprit qui pousse l'ensemble du corps que nous, on a des difficultés à saisir parce qu'il est trop vaste, à aller dans la direction de que toutes les nations entendent parler de l'Évangile. Et l'Évangile, c'est quoi? On l'a vu au début de l'Évangile de Marc. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle que Dieu nous fait en Jésus-Christ pour le salut de quiconque croit. Donc, le départ ici de... Aujourd'hui, le troisième départ qu'on a vu, là, c'est celui de Moïse. Mais Moïse, lui aussi, va être enlevé. Lui aussi, il ne sera pas là pour la conquête de la terre promise. Et Jésus non plus n'a pas été là physiquement. Il a été remplacé, bien pas remplacé, complété par le rôle du Saint-Esprit jusqu'à ce jour. Le quatrième et dernier départ, qui rappelle à tous les croyants d'aujourd'hui de persévérer vers le retour de Christ, ou la Nouvelle Alliance, ou la Nouvelle Jérusalem, pas la Nouvelle Alliance, mais la Nouvelle Jérusalem, c'est le départ de l'Arche de l'Alliance, portée par les Kéatites. Pourquoi l'Arche? Comment on fait pour appliquer l'Arche, le départ de l'Arche, à notre situation? Que représente l'Arche de l'Alliance pour les Israélites? L'arche, ce n'est pas le tabernacle. Non. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? Les tables, vous avez raison. Il y avait deux autres affaires dedans. Un pot de manne. Hein? Mais vous êtes d'accord avec moi que les tables de la loi, qui ont été données quand? Oui. À Moïse, mais sur le Sinaï. Dieu a fait une alliance. Dieu a fait une alliance. Il l'a écrit sur 2 tables de pierre. Rappelez-vous, je pense que c'est notre frère Mathieu Caron qui a dit au début, le premier cours, moi je crois sincèrement que ce n'était pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'était 1 jusqu'à 10, 1 jusqu'à 10. Pourquoi? Parce que les contrats à l'époque se faisaient en 2 copies. C'est Mathieu qui a dit ça, Gilles? Tu n'étais pas là? Moi, je l'ai entendu à quelque part dans un des théologiens, ce n'est pas mon invention à moi. Alliance veut dire Dieu s'engage à, vous autres, le peuple, vous engagez à. C'est ça qu'ils transportaient avec eux. C'était le seul écrit qu'ils avaient. Moïse va écrire les 5 premiers livres. Ça va être mis à côté de l'arche dans le tabernacle. Vous savez que l'Arche a cessé d'exister après la destruction de Jérusalem et du Temple en 585 avant Jésus. Et depuis ce temps, personne n'est capable de la retrouver. Oh, il y a toutes sortes de théories, il y a toutes sortes de... Si vous lisez sur Internet, vous allez avoir toutes sortes de personnes qui l'ont trouvé, mais rien de concluant. Quand il y a eu la destruction du temple, il y a eu une brisure ici, là, de l'Alliance, qui a été remplacée 500 ans après par la Nouvelle Alliance, dans laquelle on est aujourd'hui. Intéressant qu'ils transportaient avec eux les documents contractuels qui les reliaient à Dieu. Et ça a été complété plus tard. Hébreux 9.4 nous rappelle ça. Vous pouvez le lire, il est là. Je commence à vous étirer la pipe, là. Derrière le second voile se trouvait, il parle du temple de Salomon, hein, appelé le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance. Entièrement recouvert d'or, il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne et la verge de Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Donc, je ne vous ai pas dit de fausser à date. Ce que contenait l'arche, c'est ça. Quand ils se promènent avec l'arche, ils se promènent avec leur alliance. C'est parti avec eux. Donc, le quatrième départ, toujours dans la suite du quatrième départ, si vous voulez lire dans Deutéronome 31, 24 à 26, lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire un livre, dans un livre les paroles de cette loi, là on parle du Pentateuque. Il donna ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel, prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche, non pas dans l'arche. Pourquoi? Parce que pratiquement personne n'avait le droit d'ouvrir l'arche. Par contre, le livre était dans le lieu très saint, et c'était le Pentateuque, écrit par Moïse, les cinq premiers livres. Votre Dieu, il sera là comme témoin contre toi. Donc, l'arche, plus tard, quand ils vont entrer dans la terre promise, vous savez que ça va arrêter de se promener. Ils vont l'établir... à quelle place déjà, Gilles? À Gilgal, ou... Il va y avoir deux endroits où le tabernacle va être dressé, l'arche va être là. Et à côté de l'arche, il y avait le livre de la loi. Et d'autres livres qui ont été ajoutés par après, mais particulièrement ces livres-là qui sont importants pour Israël. Arche et volonté de Dieu sont reliés ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a un contrat entre Dieu et son peuple d'Israël. Est-ce qu'il y a un contrat aujourd'hui entre Dieu et l'Église, le nouveau peuple de Dieu? Et l'alliance, c'est comme un contrat qui engage Dieu et le peuple dans un objectif commun. On oublie souvent ça, que l'objectif de Dieu, c'est sa gloire universelle. Il est dit dans Romains que les Israélites, par leur désobéissance, ont blasphémé le nom de Dieu dans le monde. Romains 2. Mais l'objectif premier de Dieu avec cette alliance-là, c'était de glorifier son nom dans le monde entier. Quel est l'objectif de Dieu avec l'Église? Est-ce qu'il est différent? On va essayer de lire Nombre 14 rapidement. Heureusement que je n'avais pas 30 versets, hein? Pour vous autres. 14, 21, 23. Mais je suis vivant. La gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Quelle est la volonté de Dieu? Que sa gloire remplisse toute la terre. Et tous ceux qui ont vu ma gloire, et les prodiges que j'ai faits en Égypte, dans le désert, et qui m'ont tenté déjà 10 fois, et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront pas le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Ils ont méprisé la gloire de Dieu à travers ce que Dieu faisait avec Israël. Bon, en Nombre 14, c'est un petit preview. Dieu, là, il leur dit de retourner dans le désert, puis ils vont tous périr dans le désert, la génération des 20 ans et qui étaient comptés comme soldats, là, vont tous périr dans le désert, jusqu'à la fin des 40 ans. Mais il dit ici quelque chose de fondamental. la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Donc, la volonté de Dieu, c'est que sa gloire à lui remplisse la terre. Pas que tout le monde soit des Israélites, soit convaincu, ou soit converti. Non. Dieu se glorifie à travers un peuple qu'il a choisi. Est-ce que Dieu se glorifie à travers Jésus-Christ dans l'Église pour que sa gloire envahisse l'humanité? Bien sûr. Est-ce que toute l'humanité va se convertir à Christ? Bien sûr que non. Qu'est-ce qui rappelle constamment à l'Église aujourd'hui la nouvelle alliance de Dieu avec les croyants? Jean 10, 25. « Je vous dis ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc, Jésus annonce déjà à ses disciples qu'il va avoir le Nouveau Testament. Jésus n'a pas écrit une ligne, il y a le Nouveau Testament. C'est tous ses disciples qui ont écrit quelque chose. Jean 20, 30 à 31, Jésus a fait encore en présence de ses disciples. Là, en passant à l'Évangile de Jean, qui est écrit à la fin du 1er siècle, après la destruction du Temple de Jérusalem et la dispersion des Juifs, donc après que les Églises ont envahi déjà le monde de ce temps-là, Jean, par le Saint-Esprit, nous rappelle que Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans quoi? Jean est conscient que le Nouveau Testament est déjà en train de s'écrire. Est-ce qu'il est complété à l'époque où Jean a écrit ça? Pas encore, parce qu'il va écrire les Épîtres puis l'Apocalypse. Mais ces choses ont été écrites. Et qui a fait ça? Jésus. Par le Saint-Esprit, à travers des hommes qu'il a appointés d'avance, des écrivains bibliques. Afin que vous croyiez que Jésus est le Christ et le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, aujourd'hui, le livre dont il est question dans le Nouveau Testament, dans la Bible, le livre dont le verset précédent se trouve dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire dans la Bible. Dieu nous a donné la Bible et on promène la Bible. L'Église promène la Bible comme on promenait l'arche. On est fatigant avec la Bible. Hein? Ceux qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur Jésus encore, ils nous trouvent achalants avec ça. On est tout le temps en train de citer les Écritures. Notre contrat d'alliance est là-dedans. Il n'est pas ailleurs. Il n'est pas dans un commentaire. 1 Corinthiens 11, 25, 2 Pierre 3, 16. Ça va un peu dans le même sens. Je vais essayer de rapidement de vous les lire. On achève. Là. Prenez patience. Soyez patients. Jésus, lors de la scène, hein, avec ses disciples, c'est raconté dans 1 Corinthiens 11, 25. Après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance. » Quoi? La nouvelle alliance. En mon nom. Hein? Oui, oui, en mon sang. Ouais, pas en mon nom, mais mettons que j'ai fait un switch, sang et nom de Jésus. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous en boirez, mangez ce pain, buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Cette coupe, et l'Église pratique ça encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça a été écrit. Et 2 Pierre 3, 16, ça c'est le verset par excellence pour dire que les 13 épîtres de Paul font partie des Écritures. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres. Évidemment, Pierre est en train d'écrire au sujet de Paul, où il parle des choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre et dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Pierre, quand il écrit ça, il est tout près de mourir, tout près d'être sacrifié à cause de Jésus. L'apôtre Paul est peut-être encore vivant, je pense que oui, parce que la manière qu'il en parle, c'est qu'il est vivant. Et il parle de toutes les lettres qu'il a écrites, et à ce moment-là, si Paul n'est pas l'auteur de l'Épître aux Hébreux, toutes les lettres de Paul, les 13 lettres, sont écrites et circulent. et il les traite d'écriture. Donc, est-ce que c'était la volonté de Jésus, à travers le Saint-Esprit, de nous laisser un document d'alliance que l'on traîne avec nous depuis ce temps-là? Bien sûr. Résumé, on a vu les quatre départs aujourd'hui. Hein? Le premier, c'est le cheminement de la nuée, donc le Saint-Esprit avec le peuple, on va dire aujourd'hui. Deux, on a vu l'ordonnancement du peuple ou de l'Église dans le plan de Dieu. Hein? L'Église est aussi ordonnancée selon un plan précis. On a vu le départ de Moïse, qui est un type de Jésus, qui fait l'intermédiaire entre Dieu et le peuple, et Jésus, intermédiaire par excellence, qui remplace tous les intermédiaires possibles. Lui aussi, il est au ciel. Il n'est pas avec nous physiquement. Et le départ du contrat de l'Alliance dans l'Arche, hein, le nouveau, nous autres aujourd'hui, c'est le Nouveau Testament, qui accompagne le peuple jusqu'à la Nouvelle Jérusalem. Rappelez-vous ces choses-là, c'est extraordinaire de penser à ça. Application. Israël a fait face à des adversaires pendant sa marche et ça lui a coûté 40 ans de plus de pèlerinage dans le désert, jusqu'à temps que la génération qui devait entrer par la foi est entrée. L'Église actuelle subit des assauts. Il faudrait se boucher la vue pour ne pas voir ça. On est constamment bombardé par toutes sortes de bonnes personnes bien pensantes qui remettent en question ce que Dieu a fait. Nous, on doit voir cette vision céleste-là et l'admirer. Pourquoi? C'est la gloire de notre Dieu. Il y avait un ramassis de gens. On va le voir dans le prochain épisode avec Landry. C'est toi, Landry, prochain? Ah! Ils ont été saisis de convoitise. Est-ce qu'il y a parmi nous des gens qui sont saisis de convoitise qui entraînent des fois des séparations, des divisions, qui salissent le nom de Christ? Bien sûr qu'il y en a. Mais les croyants sincères, eux autres, ils restent fidèles à ce que Dieu fait, ce que Jésus veut, continuent d'accomplir la volonté de Dieu. Philippiens 3, 18 à 21, c'est pas mal un des derniers que je vais vous lire. Car il y en est plusieurs, ça c'est du temps de l'apôtre Paul, il écrit à l'église de Philippe, une église très engagée, mais qui vivait des difficultés aussi reliées à ceux qui avaient de la convoitise parmi eux. Il y en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai parlé, j'en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Ces gens-là qui font ça, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur vente, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Les faux croyants parmi nous, le ramassis de gens qui essayent de convoitiser, ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Notre espérance est à venir. D'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, cadeau, hein, immérité, on va être transformé en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Tellement un beau résumé de ce que l'Église a été pendant les 21 siècles jusqu'à aujourd'hui, dans lequel nous, on est engagés par la foi. Maintenant, si tu es un obab aujourd'hui, un obadite, on va les appeler comme ça, hein? Quelqu'un qui dit, non, moi je retourne dans ma famille. Si tu es un obadite ce matin, sache que tous les croyants ici t'invitent à te joindre à la marche des croyants actuels. Mais tu dois entrer dans l'Église de Jésus-Christ. Et ça, il y a juste une manière d'entrer. Matthieu 19, ah, j'avais dit qu'il y en avait un dernier, mais il y en a un autre. Il n'est pas trop long, vous allez voir. OK, c'est le bon passage. Je n'avais pas le bon marqueur. Jésus leur répondit. L'épisode, le texte qu'on lit là, il est après la visite du jeune homme riche qui vient voir Jésus et qui lui demande « Qu'est-ce que je dois faire de bon pour hériter la vie éternelle? » Il va lui répondre « Tralala, tralala, observe les commandements. » Le jeune homme, il dit « J'ai fait ça, puis je ne trouve pas la... Je ne trouve pas où je m'en vais. » J'ai dit ça dans mes mots, là, OK? Puis, là, le jeune homme va s'en aller tout triste parce qu'il y avait de grands biens. Puis, il n'a pas voulu... Jésus lui dit « Bien, viens, suis-moi, tu vas voir. » Et il refuse de le suivre. Obama va refuser, on va dire, de suivre Moïse. On va prendre cette hypothèse-là. D'accord? Et là, Pierre va dire, pendant la parole, il dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il aussi pour nous? » Jésus leur répondit, de même pas juste à Pierre, mais aux 12, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme vient au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous qui avez pris la décision de tout quitter pour me suivre. Hein? » On va résumer ça comme ça. « Vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque, et là, on va dire, c'est juste les apôtres, ça. Mais non, quiconque, Jacques, Mars, au regret, il y a Michel et Dimar, là, qui va faire partie de nous, puis André. Il faut bien que je les taquine un peu. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom. Écoutez, qu'est-ce qui quitte? Ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Voyez-vous la notion de départ? Et ça, quand on parle de l'Évangile à quelqu'un, on appelle quelqu'un à quitter quelque chose. Il faut être conscient de ça, et que la grande majorité vont refuser de le faire. Mais ceux qui vont le faire, il y a une promesse extraordinaire. Recevra le centuple, beaucoup plus que ce qu'il va perdre, et héritera la vie éternelle. En passant, Jésus n'est pas en train de dire qu'il faut rejeter nos familles. Il dit simplement quitter leur manière de penser, de faire, pour se tourner vers celle que lui a pour nous. Plusieurs des premiers seront les derniers, vous connaissez le reste. Donc, j'appelle tous les obadites ici ce matin. Vous vous connaissez, vous savez, vous n'avez pas décidé encore de suivre Jésus. Partez. Faites le cheminement avec nous et l'Église, mais ce n'est pas nous, dans le fond, c'est Christ, qui va vous faire jouir de tous les biens que le Seigneur aura pour nous. C'est gratos. Et vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit. Ça va? Je m'excuse de vous avoir étiré ça pendant une heure, mais je pense que je ne pourrais pas faire autrement. Ah! Je l'avais écrit! Comme de quoi j'aurais dû regarder comme il faut. Allez, au revoir. Philippe.